Les familles modestes ont eu de plus en plus de mal à équilibrer leur budget, comme on dit aujourd'hui. Ce qui a entraîné des révoltes, dont le paroxysme a été atteint en 1911 lors du mouvement social qu'on a appelé la croisade des ménagères. Les femmes, qui étaient très souvent confinées dans la sphère domestique à cette époque, ont été à l'avant-garde de cette lutte sur le pouvoir d'achat. Dans plusieurs villes de France, elles ont alors défilé dans les rues en chantant l'international du beurre à 15 sous et en conspuant les marchands. Elles ont été soutenues par leurs époux, puis par les syndicats ouvriers, à tel point que les affrontements se sont multipliés, non seulement avec la police, mais aussi avec les commerçants accusés de faire du profit sur le dos du peuple. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, les heurts ont abouti à un pillage du marché et des magasins environnants. Des barricades ont été dressées et des bagarres ont éclaté pendant 2 jours, le 30 et le 31 août. Plusieurs manifestants ont été arrêtés et les plus agressifs ont été condamnés à des peines de prison. Ces mobilisations populaires rappelaient les révoltes frumentaires de l'ancien régime, qui étaient toujours fermement réprimées. Toutefois, le pouvoir républicain ne pouvait pas y répondre seulement par la répression. Il devait trouver des solutions adaptées à des relations de pouvoir conformes aux principes démocratiques. Voilà pourquoi le gouvernement a demandé aux fonctionnaires qui travaillaient dans les services de la statistique nationale, l'organisme qu'on appelait alors la statistique générale de la France, d'élaborer un indice des prix de détail pour les 13 produits dits de consommation courante. Calculé à Paris, pour les ménages ouvriers et employés aux revenus modestes, il faudra attendre la création de l'INSEE en 1946 pour que l'indice des prix devienne un instrument de mesure vraiment national et se transforme ainsi en une pièce essentielle de la régulation salariale. Comme l'a montré le socio-historien de la statistique Alain Desrosières, on ne peut donc pas considérer l'indice des prix comme une réalité arithmétique neutre ou objective qu'il suffirait de comparer à différentes époques pour savoir si le pouvoir d'achat a augmenté ou régressé. En réalité, il s'agit d'une convention sociale, c'est-à-dire d'un compromis issu des négociations entre partenaires sociaux. Pour élaborer une véritable histoire du pouvoir d'achat, il faut non seulement prendre en compte l'évolution de ces indices, mais aussi l'évolution des rapports de force entre les différents groupes en présence. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Delecroix et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.